sur ta parole et je m'élève. Et tu portes le nom qui transforme les vies. Tu sais dire, tu sais faire, tu sais voir et prévoir. Jésus-Christ, mon seul amour, je t'adore. Je t'adore. t'adore.